Ich habe es gemacht, weil ich es wissen wollte, wie es dahinter aussieht. Oui, je l'ai fait parce que je voulais savoir à quoi ça ressemble, parce que je voulais absolument aller à Berlin-Ouest. Na, die Mauer selbst hat mich nicht fasziniert. Was le mur en tant que tel ne m'a pas fasciné. Ce qui m'a fasciné, c'était le Berlin-Ouest qui était en face. Na, also, was ich in West-Berlin gesehen habe, ist, dass West-Berlin ziemlich bunt war. Berlin-Est était plutôt gris et Berlin-Ouest était plutôt bariolé, coloré. Ja, der Staat letztlich darüber en Allemagne de l'Est, c'était l'État qui déterminait comment la vie de l'individu allait se dérouler. Sie haben sich ja abhängig davon gemacht. Ils étaient dépendants du coup. Und wenn sie nicht tant qu'ils fermaient leur gueule, leur vie était facile, sans souci. Die Mauer zurück, parfois, je me dis, j'aimerais bien qu'on réérige le mur, mais avec moi côté ouest, bien entendu. Ich sehe das immer noch so, ja. Und es kommt mir auch manchmal so vor, quand je vais à l'est, j'ai même Osten l'impression parfois que ça sent différemment. Vous dites encore Berlin-Est. Ich sage immer noch oui, moi je dis toujours Berlin-Est et Berlin-Ouest, oui. Dieser Eingang zum S-Bahnhof, Nordbahnhof. Voilà, cette entrée de la gare, là où les gens entrent, autrefois, c'était pas possible du tout. C'était muré. C'était une gare fantôme. On dit par exemple en France que le Berlin, d'après la chute du mur, était devenu la ville de tous les possibles. Est-ce que c'est encore vrai, ça, pour vous? Das sehe ich so nicht. Nein, nein. Also Berlin hat viele Probleme. Non, et Berlin a beaucoup de problèmes économiques. Elle est tout proche de la banqueroute. Notre maire, il a dit autrefois, Berlin est pauvre mais sexy. C'est pas vraiment mon point de vue. Et beaucoup de chômage. Das ist eine Konsequenz. Oui, c'est une conséquence de la mauvaise gestion, oui. Berlin hat viele Flächen an die Privatwirtschaft verkauft. La ville de Berlin a vendu beaucoup de terrains qui autrefois étaient publics à des investisseurs privés. Aujourd'hui, on ne peut plus y aller. Nun, Berlin hat kein Geld. Berlin n'a pas d'argent et vend ses bijoux de famille. Privatisation de l'espace public. Ja, meines Erachtens nach aufgegeben hat. C'est le signe que la politique s'est soumise au diktat de l'économie. Entre le socialisme, le communisme même de l'époque de la RDA que vous avez connu, et aujourd'hui par exemple, les politiques libérales européennes ou les politiques d'austérité façon allemande appliquées par Angela Merkel. Vous choisissez quoi? Beides nicht. Rien de tout cela. Personne ne réagit par rapport à ça. La question est de savoir pourquoi c'est comme ça. Reportage de Gellor van Wimersch, traduction Jörg Stikan. Michel Meyer, vous savez, le Berlin d'aujourd'hui est devenu une ville magnétique. Je pense notamment à l'ambiance qu'on peut trouver dans un quartier comme Prenzlauer Berg, hein, qui est un très beau quartier bobo, sympa, street art et compagnie. C'est une ville mode, mais ça n'est pas non plus une ville monde. C'est une ville mode parce que c'est une ville expérimentale, c'est une ville laboratoire pour tout ce qui est neuf, pour tout ce qui est nouveau. C'est une ville pétillante, paradoxalement, alors que la Germanie a une réputation plutôt teutonisante. Ouais. Ce n'est absolument pas le cas. C'est absolument léger et c'est très brillant. Mais ce n'est pas une ville monde parce que la masse spécifique ne suffit pas et ça ne peut pas être comparé à Paris, ni à New York, ni à Londres. Voilà. Alors, on revient à l'époque qu'on considérait, donc, lorsqu'il y avait le mur, faut rappeler hein, que le mur encerclait en fait Berlin-Ouest, il n'était pas fait pour empêcher les gens qui étaient dedans d'en sortir, mais pour empêcher les gens qui étaient dehors d'y venir. En gros, c'est ça. Hein. En gros, c'est ça. C'est tout étonnant. Tout en étant une vitrine, je parle de Berlin-Ouest, ouais. Pour le monde entier, subventionné par la République fédérale allemande, donc Bonn, de façon à ce que Berlin-Ouest soit une ville phare et une tentation par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. Il faut de l'Est. Et il faut bien comprendre à cet égard que les Allemands de l'Est vivaient de façon schizophrénique. Pourquoi ? Parce que la journée, ils étaient dans leur monde gris que l'on a évoqué, et dès le soir, avant la chute du mur, ils vivaient au diapason du monde occidental et de ses tentations. Autrement dit, le consumérisme. C'est pour ça qu'il y a un mur. Autrement dit, le rock. Autrement dit, la modernité occidentale qu'ils percevaient à travers les médias et à travers la télévision. Au point que les habitants des vallées qui n'avaient pas de rémetteur, vous savez comment on les appelait ? On les appelait les vallées de ceux qui ignorent tout. On les prenait pour les imbéciles de la nation parce qu'ils n'avaient pas le privilège de vivre au diapason occidental. Cet état de schizophrénie, bien entendu, a joué un rôle tout à fait considérable pour aimer ou pas le consumérisme, aimer ou pas l'Ouest, et forger une identité très spécifique, qui a été celle des Allemands de l'Est, qui détestaient leurs dirigeants staliniens, qu'ils qualifiaient de têtes de béton, sans pour autant, à part les jeunes et leur fascination pour le rock, croire tout ce que l'on disait du mirage occidental, qui était néanmoins vu de façon critique par des religieux, les pasteurs luthériens, oui. Protestants, et avec la mentalité protestante, qui en faisaient des écolo-pacifistes avant l'heure, et des gens influencés déjà par les manifestations pacifistes monstres d'Allemagne de l'Ouest, desquelles ils étaient interdits à l'Est, alors que la préoccupation centrale était la même, à savoir... Les deux Allemagnes sont les champs de bataille potentiels de la déflagration nucléaire de cette troisième guerre mondiale menaçante. Et cette communauté de sensations et de ressentis a joué un rôle absolument fondamental pour que s'éveille une conscience entre les deux Allemagnes qui a fait que les liens ne se sont pas brisés au fil du temps. Malgré tout, et indépendamment du fait que c'est vrai, lorsque le mur s'est ouvert, le consumérisme ayant quand même contaminé beaucoup de monde, les Allemands de l'Est qui sont arrivés à Berlin-Est se sont précipités vers quoi ? Vers les oranges et les bananes, car c'était des fruits interdits de l'autre côté du mur. Réflexe humain. Quand le plan Lutsch a-t-il été vraiment lancé ? On rappelle ce plan qui avait pour but de déstabiliser les Soviétiques. Au niveau du KGB et au niveau du comité central, disposaient d'une équipe de germanistes qui étaient les meilleurs du monde à l'époque. Ils connaissaient les zones érogènes de l'Allemagne, mieux que n'importe quel autre germaniste dans le monde. Et ces gens-là ont imaginé, à la demande du Politburo de Moscou, une alternative à l'équipe des têtes de béton de Berlin-Est. Et bien entendu, ils ont choisi, comme ça a été très bien dit et très bien relaté, Marcus Wolf et Modrow. Ils étaient prêts. Une réunion avait eu lieu en juin 87. Donc deux ans avant. À Dresden. Mmh. L'opération suivait son cours. Ils ont été pris de vitesse par l'apparatchik parfait qu'était Krenz, qui n'a pas voulu abandonner le pouvoir, qui a surgi alors que les Soviétiques avaient imaginé qu'il allait laisser la place plus vite que ça. Krenz a néanmoins un mérite. Mmh. Il a évité, en ne lançant pas les Vopo contre la foule à Leipzig à la mi-octobre, il a évité un Tiananmen est-allemand qui, si il avait eu lieu, aurait changé complètement le reste du film. Donc, le plan Lutsch n'a pas pu être mis en œuvre et cette vacance d'un pouvoir alternatif a permis à Krenz de rester au pouvoir avec sa nullité et le cafouillage dramatique et terminal qui a fait que, en donnant des informations incomplètes à ce pauvre Chabowski, Chabowski a oublié de dire que Berlin-Est avait obtenu de l'argent de Bonn pour financer l'ouverture de nouveaux points de passage dans la ligne de démarcation interallemande, et que, bien entendu, ça allait d'abord être construit avant d'être ouvert dans 3 mois. Alors, il a dit tout de suite, mais voilà. Et le mur est tombé. À l'époque, on écoutait, entre autres, Michel Meyer, on va écouter ensemble, pour se rappeler des souvenirs, Roy Orbison, qui chantait You Got It en 1989, bien sûr. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you got it. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. J'ai dans les mains le livre de Michel Meyer, dont je vous rappelle le titre « Histoire secrète de la chute du mur de Berlin » chez Odile Jacob. J'en fais pas simplement la pub parce que vous êtes là, mais c'est parce que c'est vraiment bien écrit. C'est écrit comme un polar, ça pourrait même aussi être une... Il y a une théâtralité là-dedans. Non, mais c'est vrai. Et donc c'est Lutsch. Alors Lutsch, on a vu, on l'a raconté, on peut le lire dans votre livre, on va passer à autre chose. Il y a une question qui n'est pas taboue, l'Allemagne de l'Ouest a acheté la fin du communisme. Elle l'a financé quelque part. Oui, attendez. L'Allemagne de l'Est a-t-elle acheté la RDA à partir du moment où la chute du mur avait précipité le mouvement et impliqué que l'on règle la question? Eh bien, l'argent a joué un rôle tout à fait considérable. La réponse est oui. Et en trois occasions que je vais rapidement raconter. La première occasion, c'est début avril 89. Eh bien, il y a deux émissaires de Kohl qui se présentent devant le Premier ministre hongrois à Budapest. Ils sont bien entendu convoqués par le Premier ministre hongrois. Que mettent-ils sur la table ? 1 milliard de Deutschmark. 1 milliard de Deutschmark qui permettront au Premier ministre hongrois, début mai, comme on l'a raconté dans ce remarquable sujet d'évocation, première... Brèche dans la ligne de démarcation, c'est-à-dire le rideau de fer. Ça, premier exemple. Relation de cause à effet. Milke est fou furieux. Honecker de la même manière. Alors, oui, et quels sont qui sont les émissaires? C'est le patron de la Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, qui sera assassiné en novembre 89 en lien avec cela. Bon, on y reviendra une autre fois. Premier point. Premier point. Deuxième point, l'autre émissaire... C'est le propre conseiller diplomatique de M. Kohl, qui s'appelle Horst Telschick, le même qui a reçu Portugalov lorsqu'il lui a proposé le plan de la maison commune européenne, etc. etc. Donc, un milliard. Durant l'hiver 89-90, qui a sauvé la Russie de la famine, car il n'y avait plus d'alimentation interactive entre les républiques soviétiques? Helmut Kohl. Helmut Kohl. Voilà. Et son ministre de l'Agriculture, 1 milliard. Et puis, dans le Caucase, lorsqu'il s'est agi de décrocher la libéralisation de l'Allemagne de l'Est et son intégration dans l'OTAN, lors du sommet Gorbatchev-Kohl, 16 milliards qui ont été donnés et promis à l'Union soviétique. Au total, summa summarum, comme on dit en allemand, eh bien, même si c'est du latin, eh bien, c'est 55 milliards de Deutschmark, le calcul a été fait, qui ont été donnés et concédés à l'Allemagne de l'Est. Pourquoi ? La question est pourquoi maintenant ? Parce que pourquoi tout simplement contrôler l'Allemagne de l'Est, se comporter de manière patriotique et souveraine, ce qui a été possible à partir d'octobre 1990. 55 milliards, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à l'époque, l'Allemagne a consenti à offrir une semaine de travail pour le PIB d'une semaine à l'Allemagne de l'Est. Voilà, voilà ce qu'il faut dire. Et par la suite, lorsqu'il s'est agi pour l'Allemagne d'absorber l'Allemagne de l'Est, comme un boa absorbe une mangouste, eh bien, il s'est agi de refaire l'ensemble du dispositif et du système industriel et économique allemand. Ce qui a été un avantage considérable, alors que les voisins de l'Allemagne, dont les Français, espéraient qu'ils en souffrent et qu'ils en meurent. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, si l'Allemagne est aujourd'hui ce qu'elle est en termes de puissance économique, c'est parce qu'elle a relevé un défi dont se sont privés un certain nombre de leurs voisins, et notamment ceux que l'on appelle aujourd'hui les pays du Club Med. Alors, est-ce qu'on est entré avec la chute du mur dans un monde plus dangereux qu'avant le mur? Parce qu'avant le mur, c'était équilibre de la terreur. Bon, mais chacun savait bien qu'on gardait l'équilibre. On n'allait pas s'envoyer des ogives. Je vous réponds en disant que le mur de Berlin n'a pas disparu, qu'il s'est déplacé de 1200 km plus à l'est, à travers un mur systémique et idéologique, au cœur de l'Ukraine. La question que soulèvent les problématiques de l'Ukraine dans le monde multipolaire actuel sont simples. Ou il y en a une qui est très simple. Que fait-on de la Russie? La Russie de Poutine, ce grand blessé traumatisé par la chute de l'Union soviétique durant le XXe siècle. Ça relève d'une thérapie et pas forcément de gesticulation. Mais que fait-on pour positionner et trouver un rôle à la Russie qui s'est réfugiée dans une espèce de mythe eurasien? Mais pourquoi vous posez la question? Pourquoi vous posez la question que fait-on de la Russie? Est-ce que ça veut dire que s'il y a danger dans le monde, ça veut dire que le danger est lié au fait que l'on continue à projeter une image de l'Europe qui devrait être une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Non! L'Europe, c'est de l'Atlantique au Pacifique maintenant. Mais il y a les Russes et leur confrontation complexe avec la Chine. La Chine qui a pris des mesures dénatalistes pendant un certain nombre d'années et qui a rompu avec cette politique. Ça veut dire qu'ils vont devoir s'étendre vers le nord. Les Russes ont considéré cette politique et ce changement politique chinois comme un signal de très mauvais augure. Ce monde-là va redevenir plus dangereux et le problème russe n'est pas résolu. Quelle géopolitique pour l'Europe avec ou sans la Russie? On ne peut pas évacuer les Russes de l'espace européen. Dans un contexte où, il faut le dire, du côté occidental, on est quand même arrivé à pousser l'OTAN jusqu'aux portes de l'Ukraine, avec les pays baltes et la Pologne. Comment éviter que dans la tête des Russes, ça leur rappelle des bêtises que faisait Khrouchtchev dans les années... À Cuba, notamment. Mmh. Dans le champ clos du voisin. Mmh. Ou à proximité du champ clos du voisin. Le monde multipolaire est devenu éminemment dangereux. D'autant que, à ce que je sache, ces puissances, à l'est comme à l'ouest, restent nucléaires. C'est vrai. Et alors, il y a aussi quand même un élément dont vous ne m'avez pas parlé, qui est le danger islamiste. Je ne dis, pas de l'islam, hein, je dis islamiste, c'est-à-dire l'islam radical politique. Et le 11 septembre... Qui nous transporte au Proche-Orient, sujet sur lequel je ne m'étendrai pas, car il est d'une actualité brûlante, dans un contexte où le silence soviétique est assez éloquent par rapport à ce qui s'y fait, sauf sur la Syrie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème caucasien énorme, un problème que Poutine a essayé d'extirper en évoquant le fait qu'il poursuivrait ces islamistes caucasiens, notamment les Tchétchènes, jusque dans certains lieux que je ne nommerai pas. Michel Meyer, il me reste à vous remercier pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés, pour la passion qui vous anime dès lors que vous parlez de ça. Vous êtes habité, hein, c'est bien continué. Ça a été ma vie. Et ben, ne changez rien. Durant un certain nombre d'années. Au revoir, merci, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la chute du mur de Berlin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain donc, la fiction consacrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle aussi à la chute du mur de Berlin à travers l'histoire d'un Berlinois de l'Est qui a vécu l'événement dans sa cellule et qui s'est donc retrouvé libre du jour au lendemain. Nous en parlerons également avec notre invité demain, Matthias Fekl, le dernier ministre de l'Intérieur du quinquennat Hollande. Vous me direz, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Bien simplement, il vivait à Berlin quand le mur est tombé et il avait 12 ans. 12 ans, l'âge où on se souvient de tout. Voilà, merci à Tristan Gratalan qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Cara et Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Lecture, Philippe Pirard et Philippe Reltien. Réalisation, Fabrice Laigle.